Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Et oui, les émissions se suivent et pourtant ne se ressemblent pas. Vous allez pouvoir le constater encore aujourd'hui grâce à cette émission qui s'intitule, vous le savez maintenant, Danser maintenant. Une émission pleine de bonheur, pleine de musique, d'accordéon et de chansons françaises avec Christophe Pesset et bien sûr Arlette. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fera une spéciale que vous proposera Christophe Pesset. Allez, je vous en dis pas plus pour le moment, ça va démarrer très très vite. Pour l'instant, un tout petit peu de musique et on démarre avec Christophe. Dansez maintenant. Sorgia FM. Ah, je vous l'avais dit, Christophe Pesset a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, alors on va le laisser entrer. Allez, c'est parti mon kiki. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hubert, bonjour Arlette. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui, il faut le dire, pleine d'émotions. On va parler d'un CD qui s'appelle « Entre mon accordéon et nous ». Un CD qui a été réalisé par Christine Tochon, qui a perdu son mari André Tochon. On en parlera tout au long de cette émission. Pour l'heure, on l'écoute dans Mexico. Christine Tochon qui vous interprète Mexico. Alors, André Tochon, tout d'abord trompettiste, ensuite accordéoniste. Il va jouer notamment avec le groupe folklorique Les Loups Brafodis au Grand Bornand. Ensuite, eh bien, il va créer les accordéonistes du Val de Tône. Et on va bien sûr entendre parler très souvent de la Nuit du Musette. D'abord à Tône, ensuite au Grand Bornand. Également professeur d'accordéon, quelqu'un de passionné. Je peux vous dire que c'est vraiment avec émotion que je parle aujourd'hui d'André Tochon, parce qu'un véritable ami. On va tout de suite l'écouter dans un morceau qui s'appelle « La Romance de Paris ». Je voulais chanter également. On y va, c'est parti. De Paris avec Christine Tochon. Alors André Tochon est bien véritable fédérateur. Il savait réunir 30, 40, 50 accordéonistes pour la Nuit du Musette avec toujours autant de simplicité et d'enthousiasme. Et vraiment, je te redis encore une nouvelle fois André, merci. Alors on va tout de suite l'écouter dans un morceau de sa composition qui s'appelle Forever Boston. Allez, place à la valse lente. Arlette sur Sorgia FM. On retrouvera Christophe pour cette spéciale Christine Tochon dans quelques instants. Mais voici maintenant dans le studio notre amie Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, alors, on voyage aujourd'hui? Eh oui, j'ai toujours cette irrésistible envie de voyager. Eh oui. Que veux-tu Hubert? Toutes ces régions de France sont tellement attirantes. C'est sûr. Qu'elles ont inspiré plus d'un poète. Leurs chansons sont tellement sincères. C'est vrai, c'est vrai. Qu'elles arrivent à nous convaincre de visiter leur pays. Dans les années 50, Tino Rossi est la grande vedette de l'opérette de Francis Lopez, Méditerranée. On ne peut pas parler de la Méditerranée sans évoquer la Corse, bien sûr. Avec cette jolie tarentelle, Tino Rossi chante le pays où il est né, Ajaccio. Eh oui, le pays du soleil. Dans une vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio, dans la nuit toujours si belle, on entend des ritournelles, des bravos. Les touristes en balade écoutent les sérénades du pays. Et plus rien n'a d'importance quand une ancienne romance vous séduit. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Le temps passe comme un rêve, tour à tour chacun se lève pour chanter. Et l'on chanterait encore s'il ne fallait à l'aurore s'arrêter. Mais les cœurs de tous les Corses battent avec plus de force, de chaleur. Quand s'élève l'Ajaccienne, que pour finir le reprennent tous en cœur. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Ajaccio, Ajaccio, si Napoléon revenait près de sa maison. Ajaccio, Ajaccio, lui aussi chanterait sa chanson. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Nous sommes en 1963 et nous allons faire un petit tour en Corrèze avec Bruyère corrézienne. La musique, comme chacun sait, et de Roland Manoury et Jean Ségurel, bien sûr. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les paroles ont été écrites par André Claveau, chantées aujourd'hui par Maurice Dadier, Bruyère corrézienne, une bien jolie valse. S'en va, garder son blanc troupeau à travers la bruyère. Sur le riz en coteau, la bergère s'en va. Nul souci dans son cœur, pourquoi chercher plus loin le bonheur? Plus que les rues de Paris, elle aime ses bruyères. Car c'est là qu'elle a grandi, au pied des coteaux jolis. Quand la au flanc des bruyères, qu'ils sont loin des soucis qu'ont les gens de Paris. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM.

tout se fige et je pense aux souvenirs de notre enfance, quand nous montions tout près du ciel par les neiges éternelles. Nous aurons peut-être la chance que pour nos prochaines vacances, nous nous retrouverons, toi et moi, à la Clusaz. Mais dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Sur les trottoirs, on se bouscule. Et lorsque vient le crépuscule, là dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Dans le vieux square dénué de fleurs, les arbres pleurent. Toi et moi, à la Clusaz. J'espère que cette chanson vous aura donné l'envie de visiter notre région, la Clusaz, le Grand Bornand et toutes les communes aux alentours. Il est temps de se dire au revoir Arlette. Au revoir à tous et à bientôt pour d'autres souvenirs. Au revoir Hubert. À la semaine prochaine. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Ah, je ne vous dis que ça, il y a de la belle chanson dans cette émission. La preuve en est avec ce titre qui s'intitule Souviens-toi, interprété ici par ce duo dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Ils s'appellent Gilles et Virginie. Virginie et Gilles. Si on veut être galant, allez, on va écouter et profiter de cette belle chanson d'amour. Écoutez ça, c'est juste merveilleux. Tu ouvres déjà grand tes ailes dans le lointain. Et moi j'ai comme un goût de sel au creux des mains. Je croyais savoir quoi te dire, je ne sais rien. Et là-bas dans ton avenir, il y a quelqu'un. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Quel que soit le chemin sous tes pas, de choisir l'amour quand il viendra. Tout arrive si vite, souviens-toi de garder le soleil dans tes bras, d'oublier tous les mauvais endroits, de rêver toujours en vol de toi. À trop vouloir te protéger, ce serait mal. Un oiseau s'est fait pour voler loin d'une cage. Tu verras avec tes grands yeux, tu pleureras. Parfois même quand le ciel est bleu, il y a des vagues. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Quel que soit le chemin sous tes pas, de choisir l'amour quand il viendra. Tu as grandi si vite, souviens-toi de garder le soleil dans tes bras, d'oublier tous les mauvais endroits, de rêver toujours en vol-toi. Un beau jour tu te poseras

les gens s'aiment comme nous nous aimons, les magiciens reviendront. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Allez, on va danser le sirtaki basque, avec Aurélien et son orchestre. maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledent. Une petite pause café, et puis juste après, on retrouvera la suite de la rubrique de Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, consacré, vous le savez aujourd'hui, à Christine Tochon et à ce bel hommage qu'elle a rendu à son mari, André Tochon. Deuxième partie de cette petite rubrique accordéon consacrée à André Tochon et Christine Tochon. Un album qui s'appelle Entre mon accordéon et nous. En fait, c'est un jeu de mots avec Entre mon, le lieu où résidaient André et Christine. On écoute tout de suite un morceau que vous connaissez bien, Étoile des Neiges, mais version Madison. Thank you. version inattendue d'Étoile des Neiges en Madison. Malheureusement, André Tochon nous a quittés à la suite d'un cancer. Par contre, eh bien, Christine a eu la magnifique idée de réaliser ce CD hommage. Et il faut savoir, c'est qu'il est en vente et les recettes iront directement au service du docteur Pérol, cancérologue à l'hôpital de Lyon. Alors vraiment, je vous invite à l'acheter. C'est une très belle réalisation, tant du point de vue sonore que graphique. Il y a une très belle jaquette. Et on va tout de suite écouter un morceau maintenant et je vous donnerai toutes les coordonnées juste après. Mais maintenant, place à un morceau de Jean Ferrat, Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, c'est un petit peu ce qui caractérise la vie d'André. Aimer l'accordéon, aimer Florian, son fils, aimer Christine, sa femme. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer cet album. Vous pouvez appeler Christine au 06 74 84 26 98. 06 74 84 26 98. En tout cas, eh bien, tu peux être sûr qu'André, eh bien, c'est que l'accordéon continuera. Et grâce à toi, puisque la nuit du Musette est déjà programmée le 26 mai prochain et nous serons tous présents et on aura bien sûr une pensée pour toi. Merci et puis à très bientôt. Bonne semaine. maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. On a plein de merci à dire. Merci à Christophe de nous avoir fait découvrir ce très beau CD. Merci à Christine Tochon de l'avoir enregistré, ce beau CD, en hommage à André. Il est temps maintenant de se dire au revoir. Version dédicace aujourd'hui avec une dédicace de Paulette. Paulette est une fidèle auditrice de cette émission et je le remercie. Et elle nous a proposé de terminer cette émission avec un joli boléro interprété par l'orchestre Tendance. Tiens, c'est un orchestre que je connais un petit peu quand même. Une guitare dans la nuit. Voilà le dernier titre de cette émission. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci aussi à Paulette d'avoir sélectionné ce titre. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer de très beaux jours sous le signe de la danse. Au revoir à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Partout sa mélodie, une mélodie d'amour que je t'apporte, mais tu n'as pas voulu m'ouvrir ta porte, et ma musique s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Je reviens vers toi, réponds-moi, il n'est pas trop tard. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. S'envole jusqu'à ta chambre. Et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Pousse pas, donne-moi la chance de te revoir. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Sorgia FM, Sorgia FM.